Léonce Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Une campagne de vaccination contre la méningite a débuté ce mardi 4 décembre. Elle concerne les personnes ayant l'âge de 1 à 29 ans. Une pénurie de carburant s'observe en mairie de Bujumbura. Les détenteurs de stations-service où la radio Isanganiro a pu passer disent ne pas en savoir la cause. Nous vous parlerons aussi dans ce journal de la situation des populations batois de Nyarumanga en zone urbaine de Buterere. Ils disent être dans la précarité, une situation qui ne leur permet même pas de se faire soigner. En éducation, une année après le lancement des centres d'enseignement des métiers en agri-élevage en province de Muyinga, les formateurs n'ont perçu aucun sou jusqu'ici, vous l'entendrez. Et puis dans la chronique santé de ce mardi, nous reviendrons sur l'insuffisance cardiaque, une maladie qui survient lorsque le cœur ne pompe pas le sang comme il faut. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La campagne de vaccination contre la méningite pour les personnes âgées de 1 à 29 ans a débuté ce mardi dans tout le pays. Dans certains centres de santé de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura, où la radio Isanganiro a pu passer cet avant-midi, la population avait répondu présente à cette campagne, mais à compte-goutte. Christera Nikandaguzwa, chef de quartier Jabé 1, dit que les sensibilisations sont en cours pour que toutes les personnes ayant cet âge soient vaccinées. Le point avec Gertrude Mawenayo. On me fait signe à la cabine technique que l'élément sonore de Gertrude n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons. Et les adeptes de Zébi s'opposent encore une fois à la vaccination en commune Musigati de la province Bubanza. Depuis ce lundi, en effet, 22 élèves de l'école fondamentale de Massare ne se sont pas encore présentés à l'école. Ils y retourneront après cette campagne de vaccination contre la méningite qui a débuté ce mardi selon des témoins sur place. C'est le même scénario qui a eu lieu la semaine dernière lors de la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Spes Caritas, Kabanyana. À l'école fondamentale de Massare en commune Musigati, 22 élèves adeptes de Zébi ont boycotté l'école depuis ce lundi pour offrir le vaccin, selon le directeur de cet établissement. Des sources sur place à Massare indiquent qu'ils ne reviendront à l'école qu'après cette campagne de vaccination contre la méningite. Ils ont fait la même chose la semaine dernière lors de la campagne de vaccination des enfants et des femmes enceintes. Georges Naïmana, directeur de l'écofond Massare, de ne pas être à mesure de trouver solution à ce problème et que ces enfants risquent de rentrer avec une mauvaise note à la fin de ce trimestre puisque les examens commencent ce lundi en leur absence. Des témoins sur place à Massare précisent également que beaucoup de maisons des adeptes des Zébi sont actuellement fermées. Les parents ont fait fuir leurs enfants vers d'autres collines pour éviter ce vaccin. À titre de rappel, 11 personnes, 3 de Kijuka et 8 de Massare, ont été arrêtées la semaine dernière par la police, accusées de perturber la campagne de vaccination et d'empêcher les gens à s'y présenter. Ces détenus, qui ont passé plus d'une semaine au cachot de police judiciaire de Musigati, en attendant la confection de leur dossier, ont été transférés à Bubanza ce lundi, selon l'administrateur de la commune de Musigati. Spes Caritas Kabanyana à Musigati, en province de Bubanza, pour la radio Isanganiro. Je vous le disais donc, la campagne de vaccination contre la méningite pour ces personnes âgées de 1 à 29 ans a débuté ce mardi dans tout le pays. Et dans certains centres de santé de la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura, où la radio Isanganiro a pu passer cet avant-midi, la population avait répondu présente à cette campagne, mais à compte-goutte, Christera Nikandaguzwa, chef de quartier Jabé, dit que les sensibilisations sont en cours pour que toutes les personnes ayant cet âge soient vaccinées. Reportage de Gertrude de Mawenayo. Ah, Au centre de santé SOS se trouva dans le quartier Nyakabiga quand nous y sommes passés vers 9h30 de l'avant-midi de ce mardi. Les activités d'inscription des noms sur les fiches étaient en cours. Cette jeune fille de 21 ans que nous avons rencontrée sur le lieu dit qu'elle est venue se faire vacciner pour protéger sa santé. Bon, je suis venue pour le vaccin de méningite pour me protéger contre ce maladie parce que, comme j'ai entendu dire, c'est vraiment trop affreux. J'ai très peur même. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai très peur. Oui, quand même, tu vas résister. Oui, je vais résister pour ma santé. Au centre de santé Chubahiro se trouva dans le même quartier vers 10h de l'avant-midi de ce mardi. La population venait à compte-gouttes, mais les activités de vaccination étaient en cours. Nous avons également visité le centre de santé Bouisa Jawé, se trouva à côté du marché Jawé vers 10h30 de l'avant-midi de ce mardi. Les activités de vaccination étaient en cours, mais là aussi, la population était peu nombreuse. Christella Nikandaguzwa, chef de quartier Jawé 1 que nous avons rencontré sur le lieu, dit que le début est toujours difficile, mais que la sensibilisation a commencé. Nous passons ménage par ménage. Nous connaissons déjà les personnes nées ayant cet âge, des noms à 29 ans. Nous sommes entrés pour les sensibiliser pour qu'ils répondent massivement à cet appel du gouvernement de se faire vacciner contre la méningite. Comme c'est le premier jour, c'est pas facile. La population continue à s'informer. J'espère que demain, ils seront nombreux. Cette campagne de vaccination contre la méningite chez les personnes âgées entre 1 an et 29 ans qui a débuté ce mardi durera du jour et sera clôturée le 13 décembre de cette année. Et au niveau national, Gertrude, la campagne de vaccination contre la méningite a été lancée par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida en commune Elutegama de la province Muramvya au centre du pays. Pénurie du carburant de type gasoil et essence à certaines stations-service de Bujumbura. Sur 6 stations seulement que nos reporters ont visitées ce mardi, aucune ne disposait du gasoil, tandis que 2 seulement disposaient de l'essence. Les agents de ces stations disent ignorer la cause de cette pénurie. Le point avec Aubin Nyonguru. Sur certaines stations visitées, aucun mouvement de véhicule n'est remarqué. Sur d'autres, il n'y a qu'un seul agent qui vous indique qu'il n'y a aucune sorte de carburant. Cette pénurie est beaucoup plus prononcée pour le gasoil. Ça fait plus de 2 semaines qu'on n'en dispose pas, explique un des pompistes rencontrés à l'une des stations-service. Pour l'essence, ils disent que cette pénurie ne date pas de longtemps. Certains des transporteurs contactés assurant la liaison Bujumbura-Makamba disent avoir commencé à s'approvisionner en Tanzanie. Merci Aubin. La rédaction Isanganilo attend toujours la réaction du ministère de l'Énergie et Mines après une conférence de presse qui est prévue pour cet après-midi. Une année après le lancement des centres d'enseignement des métiers en agri-élevage en province de Muyinga, les formateurs n'ont perçu aucun sou jusqu'ici. Certains d'entre eux conditionnent la reprise des formations par la régularisation des arriérés. Le responsable de l'enseignement des métiers à Muyinga leur demande de patienter. Les rapports de prestations ont été envoyés à qui de droit. Le Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement en Ngozi demande aux agriculteurs plus d'efforts dans la culture du nouveau chou, dit chou chinois, très productif en un peu de temps. Cassien Dondogori, chargé de la production végétale à la DPA Ngozi, indique que des semences de ces choux sont déjà disponibles chez les agronomes communaux de toutes les communes de cette province et du nord du pays. Ces choux viennent à point nommé car le PRODEMA, projet de développement des marchés agricoles, est en train de construire une usine de séchage des légumes à Ngozi en vue d'une bonne conservation. Apollinaire Muzagara de Pingozi. Comme l'indique le chargé de la production agricole Ngozi, cette sorte de chou est de grande importance car il donne d'importantes quantités de feuilles. 2 mois seulement après le sème, c'est une solution selon lui pour les ménages à forte population, comme le montre son nom chou chinois, nom d'un pays le plus peuplé du monde. Ingénieur Cassier Dondogori invite à cet effet les agriculteurs de cette province de contacter le plus tôt possible les agronomes communaux afin d'avoir les semences de cette plante, semences qui sont déjà disponibles dans toutes les communes et qui sont données gratuitement. Émile Bakizura Amvier, chargé de la formation et vulgarisation agricole au Bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage, appelle lui aussi la population d'Ngozi à s'atteler à la culture de ce type de choux et même d'autres légumes en ce moment où le projet de productivité et de développement des marchés agricoles prudemment en sigle compte mettre sur pied une unité de séchage des légumes en zone Mubuga de la commune et province Ngozi. D'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Les Batois du quartier Nyarumanga en zone urbaine de Buterere font savoir qu'ils vivent dans la précarité, ce qui ne leur permet même pas de se faire soigner. Ces propos sont confirmés par les voisins qui indiquent que la faim est l'une des causes des maladies chez les Batois. Au niveau de l'administration, la mairie fait savoir que les Batois sont parmi la population vulnérable qui est assistée dans le cadre de la solidarité nationale. Charles Makoto s'est rendu à Buterere, son reportage. Nous sommes au quartier Nyarumanga, habité pour la plupart par la population Batois. Wuchumi est un homme marié. Il dit que s'il tombe malade, il ne compte que sur la charité des bienfaiteurs. Selon lui, la précarité dans laquelle ils vivent fait qu'il n'ait pas de moyens pour se faire soigner. Quand nos enfants dépassent l'âge de 5 ans, ils ne sont plus soignés gratuitement. Si tu l'amènes à l'hôpital, on te demande de l'argent. Nous n'avons pas cet argent. Et quand un enfant ou toi tombe malade et que les parents n'ont pas d'argent, il arrive que l'enfant meure à cause du manque de moyens. Selon cette maman enceinte et mère de deux enfants, le planning familial n'est pas une préoccupation pour la plupart des femmes batois, vu qu'au premier plan, le quoi passer la journée domine le quotidien. Ce qui est de la santé de la reproduction, franchement, ce n'est pas une préoccupation, car la majeure partie d'entre nous, c'est le quoi manger qui nous prend le temps. Le paludisme. Les vers intestinaux sont ici évoqués comme menace de la santé. Cette femme fait savoir qu'en cas de maladie, ils font recours aux voisins qui leur donnent un comprimé de paracétamol. La plupart des maladies qui s'observent ici, c'est entre autres les vers intestinaux, la malaria, car nous sommes piqués par des moustiques et on manque de l'argent pour nous faire soigner et on reste à la maison. Si un voisin a de la paracétamol, c'est ce qu'on avale. Marie Ancien Ngendakoumana, voisine de ces Batois, trouve que la faim est la cause majeure de maladies chez les populations Batois qui, selon elles, sont dans une situation misérable. Quand vous avez faim, c'est facile de tomber malade. Même si vous prenez un médicament sans que vous ayez mangé, c'est un problème. Ils souffrent souvent des maladies diarrhiques. De son côté, la mairie de Bujumbura reconnaît que les Batois vivent dans la pauvreté extrême. Toutefois, Ramadan Hurikiye, conseiller principal du maire, leur appelle à se considérer comme des Burundais et de ne pas s'autodiscriminer. Vous savez que pour le service de soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité des soins, ça concerne aussi les enfants des Batois. Et c'est une question de sensibilisation et de conscientiser ces Batois. Faire le planning, ça n'empêche pas de vaquer aux activités quotidiennes. Qu'ils se sentent d'abord comme des Burundais comme les autres, et puis de participer en répondant à tous les programmes du gouvernement, dont celui-ci de vaccination, parce qu'ils ont intérêt à ce que leurs enfants aient la bonne santé. Le conseiller principal du maire indique qu'à travers la solidarité nationale, la mairie apporte du soutien à cette catégorie de la population et en cas de maladie, que ces derniers sont assistés par le ministère de la Solidarité. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, on revient sur l'insuffisance cardiaque qui survient lorsque le cœur ne pompe pas le sang aussi efficacement qu'il le devrait. Le cardiologue Constantin Yamuzangura fait savoir que même si la maladie est incurable, il existe des traitements qui peuvent aider le patient. Mais cette maladie peut entraîner de graves complications si elle n'est pas traitée à temps. Francine Néokoubgaïo pour plus de détails. La précédente chronique santé vous a parlé de l'insuffisance cardiaque, qui est cette incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Le cardiologue Constantin Yamuzangura indique que cette maladie évolue vers la perte de l'autonomie et de fonctionnement de la personne. Une personne active ou âgée va se retrouver du jour au lendemain à avoir des difficultés pour réaliser les activités quotidiennes, c'est-à-dire que la personne ne pourra plus monter les escaliers, la personne ne pourra plus faire de petites marches, et ça va réduire sa qualité de vie, et à l'extrême ça peut aller vers des hospitalisations très récurrentes et très rapprochées. Ça peut aller jusqu'au décès par arrêt cardiaque. La maladie peut se compliquer avec présence de troubles de rythme sévères, c'est-à-dire qu'un cœur qui n'a plus sa capacité de fonctionnement va aller vers des arythmies, c'est-à-dire des battements irréguliers, et donc ça peut aller vers la formation de caillots dans les chambres du cœur, et ça peut se compliquer d'accidents vasculaires cérébraux. Le traitement de l'insuffisance cardiaque la fait parfois disparaître et permet de reprendre certaines activités délaissées, selon toujours le cardiologue Nyamuzangura. L'insuffisance cardiaque a actuellement des traitements médicaux, des traitements non médicamenteux. C'est-à-dire qu'avec l'évolution de la médecine, on a pu avoir certaines molécules qui permettent justement aux patients atteint de cette maladie d'avoir une qualité de vie assez correcte. C'est les familles de médicaments qu'on appelle les bêta-bloquants et les IEC ou inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ces classes de médicaments ont permis à la plupart des gens porteurs de cette maladie de voir leur qualité de vie s'améliorer, c'est-à-dire moins d'hospitalisation. Malgré ces traitements médicamenteux, les gens gardent quand même beaucoup d'hospitalisation, gardent beaucoup d'incapacité à l'effort. Et au stade extrême, on peut aller vers la mise en place de certains équipements au niveau cardiaque qui permettent justement de supporter le cœur. Certains patients peuvent aller vers le remplacement du cœur ou la greffe cardiaque. L'insuffisance cardiaque étant l'aboutissement des maladies et des facteurs cardiovasculaires, la prévention repose sur le contrôle de ces maladies. Déjà, pour les patients atteints de certaines maladies comme le diabète et l'hypertension, c'est de contrôler ces maladies, c'est-à-dire de garder une tension assez correcte, d'avoir des objectifs tensionnels très corrects, quitte à ne pas aller jusqu'à la présence d'insuffisance cardiaque. Il faut savoir que l'alcool, c'est un facteur de risque de faire une insuffisance cardiaque. Et pour les personnes avec d'autres facteurs de risque comme le cholestérol, comme l'obésité, il est conseillé de faire de l'exercice physique cardio à hauteur de 3 heures par semaine, soit une marche rapide, soit la natation, soit le vélo, mais tout ce qu'on peut avoir à portée de main. Pour faire face à l'insuffisance cardiaque, il est crucial que les gens se renseignent sur leur état de santé pour ainsi savoir le gérer. Merci Francine. À 13h passées de 15 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Nouaïo pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitariho.